Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Tu dans ma paranoïa. Dans ma paranoïa, Jules, le Marseillais sur Skyrock, il est 5h58. Bonjour à vous tous et bienvenue. Une nouvelle semaine qui débute le lundi 11 juillet. J'espère que vous avez bien fêté, vous avez bien fait la fête. Voilà, on est sorti sur les Champs-Élysées, on a fêté la qualification de l'équipe de France de basket pour les Jeux Olympiques. Non mais c'est vrai, en plus c'est bien pour Tony Parker, ouais, qui va finir sa carrière internationale au JO du côté de Rio. Donc voilà, Bibi, Fernando de Colo, Boris Diaw, l'équipe de France qui a gagné hier, il y a quand même une bonne nouvelle. On va bien sûr revenir avec toi Rémi dans les infos sur la finale entre la France et le Portugal. On est parti pour une nouvelle matinée qu'on va passer tous ensemble, toutes les conneries de Difool et Romano, le morning best. On va se remettre tranquillou pour attaquer la semaine. Alors attention, il y a peut-être une surprise qui va tomber dans les minutes qui viennent. Je vais en reparler juste après, un point sur l'actu et le sport. Pour le son, on écoutera les Fifth Harmony, Work From Home. La surprise, elle concerne Rihanna. Donc voilà, je l'annonce. Vous avez envie de voir Rihanna au concert Skyrock? Restez dans le coin. Rémi, l'actu, le sport, on va tout de suite avec toi. Le temps pour ce matin? Eh ben, ça reste plutôt agréable le temps ce début de semaine. Bon, ça se dégrade quand même sur le massif central avec des orages prévus dans l'après-midi, de la pluie aussi en Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Auvergne, mais soleil partout ailleurs. Les températures ce matin, 14 degrés à Brest, 15 à Lorient, 16 à Orléans, 17 à Lille, 18 à Paris et à Clermont-Ferrand, 19 à Saint-Etienne, 20 à Lyon, 22 à Marseille au meilleur de la journée, 19 à Cherbourg, 21 à Quimper, 22 du côté de Caen, 23 à Lille et à Alençon, 24 à Poitiers, 25 à Orléans et à Paris, 26 à Limoges, 27 à Toulouse, 28 à Lyon, 29 à Marseille, 30 à Strasbourg, 33 à Gap et 36 à Manosque. La pollution, ça est moyen ce début de semaine, les indices compris entre 3 et 6, 6 à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon et Nice. On a du Rinsa, du Florida, du Rihanna aussi de prévu pour attaquer la matinée pour le son, et là c'est parti pour l'actu. Cruel, héros malheureux, destin brisé, des bleus inconsolables et des fans tristes à en pleurer. La France a tout donné, mais elle a perdu hier en finale de l'Euro contre le Portugal. Un euro à la maison, bien mené par Griezmann et les autres, mais qui s'achève donc sur une défaite. La déception est immense, il va falloir du temps pour la digérer, selon Didier Deschamps, qui restera le sélectionneur de cette équipe de France. Malgré tout, les fans n'ont pas à rougir, puisque le parcours des Bleus reste admirable. Ils ont su nous faire vibrer pendant un mois. Une belle team qui s'est construite sous nos yeux, qu'on a hâte de retrouver dans les prochaines semaines, notamment avec les qualifications pour le Mondial qui vont débuter dès la rentrée. Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure à la 25e et la France a bien dominé le jeu. C'était sans compter sur Eder, qui évolue au LOSC et qui a offert la victoire aux Portugais pendant la prolongation. Score final 1-0 et un premier titre international pour la Seleção. Les hommes de Didier Deschamps seront à l'Elysée ce midi pour un déjeuner autour de François Hollande. Une cinquantaine de personnes interpellées hier soir après le match. Des incidents ont éclaté notamment aux abords du Stade de France et de la fan zone de la Tour Eiffel. Des affrontements ont eu lieu entre bandes et forces de l'ordre. La situation s'est calmée au fil des heures et les fans portugais ont fait la fête jusque tard dans la nuit sur les Champs-Élysées. Le mot le plus utilisé hier sur les réseaux sociaux, papillons. Ils étaient des centaines hier posés tranquillou sur la pelouse avant le match. Ils se sont bien évidemment envolés dès que les joueurs ont commencé à fouler le stade. Des invités de dernière minute qui sont restés aux premières loges comme pour mieux assister au match. L'un d'entre eux s'est même posé sur le visage de Ronaldo, ce qui n'a pas manqué de faire rire les internautes. Un homme arrêté hier à Pantin en Seine-Saint-Denis. Deux femmes ont été mortellement poignardées en pleine rue. Les circonstances de l'agression restent confuses. L'individu présenté comme l'agresseur est toujours en garde à vue. Et puis du sport et du basket. À défaut de sauter de joie pour les footballeurs, eh bien, on peut se consoler avec les hommes de Vincent Collet. Tony Parker et les Bleus ont décroché leur billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Victoire contre les Canadiens 83-74. Les Français remportent donc le tournoi de qualification olympique de Manille aux Philippines. Ok, ça marche. T'as crié hier soir ou quoi? Ouais, j'ai crié de ouf. Ah ouais. Voilà, on a la voix qui part en couille dès le matin. Bon, bah écoute, tu vas aller te reposer un peu, puis on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu, le sport. À tout à l'heure. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. On va se remettre, hein. On va se remettre de tout ça. On a une grosse matinée de déconne pour se remonter le moral. On va avoir une pensée, bien évidemment, pour tous ceux qui bossent en ce lundi matin, lundi 11 juillet, lundi compliqué en plus, j'imagine, voilà, après le match, compliqué de trouver le sommeil, compliqué de dormir. Donc le morning best, premier sur la déconne. On est là avec Difool et Romano. Tout ce qui a déchiré pendant la saison, il y aura du conseil pas cher. Il y aura des réveils de stars également dans moins d'un quart d'heure. Le réveil de star de Fatal Bazooka dans la matinée. Il y aura aussi Pascal le grand frère et Omar Sy, l'horoscope de l'amour. Ça sera tout à l'heure aux alentours de 7h moins le quart. Et attention, cadeau à gagner en ce lundi matin. On a des invites, des places par 5 à vous offrir pour la tournée Skyrock de Rihanna qui débute vendredi du côté de l'Alliance Riviera de Nice. Le principe du jeu, dès que vous entendez deux titres à la suite de Riri, vous envoyez Rihanna au 72020, simplement Rihanna 72020. Et je peux vous dire qu'il y a déjà un son de Rihanna qui va arriver dans moins de 10 minutes, peut-être un deuxième. Donc voilà, soyez au taquet, surveillez tout ça. Rihanna donc en prépa et les Fifth Harmony tout de suite. This is what you came for. Work from home pour attaquer la matinée. I don't worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're all. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're. No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bull, she take that. Put in overtime. Work from home des Fifth Harmony sur Skyrock à 6h06. L'euro à peine terminé, on se remet tout de suite dedans avec dans 4 jours maintenant. On est à J-4, Rihanna qui sera vendredi avec Skyrock du côté de l'Alliance Riviera de Nice. Par la suite elle va passer à Lyon, à Lille et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. On a des invites à vous offrir pour attaquer la semaine. Principe du jeu, dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 72020. Il y a un son de Rihanna en préparation avec Calvin Harris, This is what you came for. Va-t-on en passer un deuxième? Il y en a qui se disent que c'est pas possible, hein, que le match est terminé, que il y en a plein qui dorment, que ça a été compliqué de se remettre de la défaite. Peut-être qu'on va en mettre un deuxième. On est des dingues, on est des fous à Skyrock. Donc voilà, restez au taquet. 7-20-20, si vous attendez 7-20-20 avec Rihanna, si vous entendez deux titres à la suite de Rihanna pour gagner vos places par 5. Tout de suite, on retrouve un épisode du Morning de Difool. Et donc juste après, c'est Rihanna. On va parler d'une vidéo que vous avez sûrement vue. Une vidéo, je sais pas si vous voyez, je vais vous raconter un petit peu la vidéo. C'est un papa qui est dans une grande surface, qui a perdu son fils et qui prend le micro et qui hurle dans le micro un petit message à son fils. Vous avez pas vu cette vidéo? Ah non, si, je l'ai non, vu. Non. Tu l'as vu toi? Ouais. Un petit extrait de la vidéo, écoutez bien. Karim! Karim! Oui! Karim! Je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça! Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère! On n'a pas de temps pour tes conneries! Vous imaginez, vous êtes dans le grand, vous êtes dans la grande surface, vous êtes dans votre supermarché en train de faire les courses tranquillement, au rayon où vous voulez aller. Au rayon boudin, moi. Si tu veux aller au rayon boudin. Alors, au rayon boudin, Cédric, t'es au rayon boudin. Parce que j'en achète des rouleaux de boudin. Des rouleaux de boudin. D'accord, tu veux acheter tes rouleaux de boudin. Et là, tu entends dans les haut-parleurs un papa qui crie: Karim, je vais te mettre dans la cuisinière! Reviens, Karim! Reviens, reviens! Moi, je me dis que c'est un débile. Eh bien, non, c'est un comédien, en fait. Il y en a qui croient que c'est un vrai papa. Ça paraissait un peu bizarre. Eh bien, il s'appelle Yacine Asnaoui. C'est un comédien de Seine-Saint-Denis. Bah, elle est marrante, la vidéo. Et la vidéo, elle est super marrante. Vous l'avez sûrement vu, la vidéo. Ouais, tu vois les vigiles qui arrivent et qui commencent à dire: non, faut te calmer, faut pas faire ça. Calme-toi, arrête, sans panique. Calme-toi, oui. Karim, il ne te retrouve pas. Voilà. Et là, les vigiles arrivent juste derrière, en panique totale. Elles sont trop, au moins. Donc, c'est un gars, en fait, c'est ça. C'est un gars qui fait des vidéos. Si vous voulez être célèbre, vous aussi, perdez vos gosses et hurlez, et hurlez dans le micro en vous filmant. C'est pas mal. Voilà une petite idée qu'on voulait vous donner pour devenir célèbre sur le net. Bravo, Yacine. Il s'appelle donc Yacine Asnaoui. Et il a fait ses vidéos. Il rentre dans un magasin. Il se met à chercher son petit garçon et il crie dans le micro. Vous vous êtes déjà perdu en étant tout petit, vous? Ouais. Tu t'es perdu, Cariole? Ouais. Ma mère, elle m'a appelé. Enfin, du moins, la dame. Dans une grande surface aussi. C'est pas vrai. Oui, la petite carriole est demandée à l'entrée. T'étais au rayon bière, non? Oui, déjà. J'étais en train de boire tous les cubis qu'il y avait. Rayon bière et spiritueux. C'est ça. Est-ce qu'on a des magasins ouverts ce matin? Ouais. Mais t'as quoi comme magasin, Cédric? Oh, des Super U, des Monoprix, des Carrefour City. Ah, faudrait tomber sur les gens qui bossent à Super U, à Monoprix, à Carrefour City. Nous allons faire un petit jeu ce matin. Nous allons expliquer que nous avons laissé notre fils depuis hier soir. On sait pas où il est et on soupçonne qu'il soit caché dans les rayons du Monoprix ou du Super U. Alors t'as quoi, Cédric? Super U, si tu veux, on commence. Super U, c'est super. Allez, commençons par Super U. Bonjour. Oui, bonjour, Super U. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de déranger. Je vous appelle avec ma femme. Oui, bonjour, monsieur. On est un petit peu en panique parce que hier, on allait faire les courses au Super U. Oui. Et on est parti avec notre fils et on s'est rendu compte ce matin que notre fils n'était pas revenu. Et on voudrait savoir s'il n'est pas dans les rayons du Super U ce matin. Ah bah non. Vous êtes sûr? Ah ben sûr, oui. Parce que la dernière fois on l'a retrouvé, il était bon, il a 7 ans, hein, c'est un petit garçon, hein, donc vous le voyez peut-être pas parce qu'il est tout petit. La dernière fois il était au rayon alcool. Non, il y a personne. Vous êtes sûr? Entre deux packs de bière, vous avez pas retrouvé un petit corps? Non, un petit corps inerte parce qu'il boit beaucoup, notre fils. Hein. Ah ouais. On a retrouvé personne. Et il est déjà alcoolique. Ah ben alors, mais là je peux rien pour vous. Un petit 7 ans en train de se défoncer. Oui. Ouais. Non. Un coup de 8-6, non, rien. Non, rien du même, tout. Même dans l'arrière-boutique, il n'y a rien dans les réserves? Il n'y a rien du tout, non. On va quand même venir vérifier. Je crois pas, moi. Merci, ah si, on va venir vérifier. On fait ce qu'on veut. Non, bah dis donc. On vient vous voir, monsieur Super. Rendez-lui notre fils. Ouais. Voleur d'enfant. Bah ouais, faut demander. Hein. Tu perds ton fils, tu sais pas où il est. Allô. Allô, le Monoprix. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, je suis allé faire les courses hier chez vous avec ma femme et mon fils. Oui. Hier dans la journée, et on vient de se rendre compte ce matin que notre fils n'était pas revenu avec nous. Est-ce qu'il serait pas quoi? Est-ce qu'il serait pas dans un des rayons du Monoprix? Vous avez regardé? Un petit enfant, 7-8 ans. Non mais monsieur, vous voulez rire ou quoi? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, on l'a oublié dans la boutique. On l'a oublié dans la boutique et on s'en est rendu compte ce matin. Donc on imagine qu'il a dormi dedans, hein. Je pense, oui. Oui, bien sûr. Vous ne l'avez pas trouvé? Si, bien sûr. Là, il est en train de jouer au milieu de la cour, là. Ah, très bien, parce que, oui, on avait peur qu'il soit mis à l'alcool, comme nous. Oui, parce qu'il boit beaucoup, il suit toujours l'exemple de ses parents. Oui, c'est ça. Et ma femme... Mais vous croyez que j'ai pas autre chose à faire, là, ça va? Boit beaucoup. Attendez, mais le jour où vous aurez perdu votre fils, vous parlerez pas comme ça, vous? Eh ouais. Exactement. Bon, au revoir. On vous souhaite une bonne journée. On va venir le chercher, du coup. Il est dans la cour, notre fils. Oui, bah, c'est bien, il joue. Ah, je suis soulagé, on a trouvé notre fils. Quel bonheur. Super. Ah, enfin. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour démarrer cette semaine. Ah, ça fait du bien. Bon, il est donc au Monoprix dans la cour. C'est très bien. Il reste là-bas, c'est cool. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You.

yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. Show me what you do now. We don't have to go out. Hey, welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the down brakes, hit the brakes, we don't slow have down to go. Cheers to this. Welcome to my house. My house. 6h-9h sur Skyrock. Morning best. Morning show. Les meilleurs moments du morning de Default. Avec Maître Gims, tout de suite. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Maître Gims, il était hier soir au Stade de France. On l'a eu en direct dans la Radio Libre spéciale avec Difool et toute l'équipe. On a suivi la grande finale de l'Euro en direct sur Skyrock. Maître Gims avec Ma Beauté, de la déconne et des cadeaux. Le Morning Best qui se poursuit ce lundi matin, 6h32. Qui a mauvaise haleine le matin? On parle de tout ça avec Difool et Romano. Des cadeaux également à gagner ce matin. On a l'enceinte, la Monster Backfloat à vous offrir dans la roulette avec la triple compile Planète Rap 2016. On reparlera de tout ça dans quelques minutes. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actuel sport. Rémi, ouais. Le temps, on attaque bien la semaine ou mais moyen oui. Moyen oh, bon, ça reste bien, parfait. Non, ça reste agréable en ce début de semaine. Bon, ça se dégrade un petit peu quand même sur le massif central avec des orages attendus cet après-midi. De la pluie aussi prévue en Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et Auvergne. Soleil par contre partout ailleurs. Les températures ce matin, 14 degrés à Cherbourg, 16 à Angoulême et à Nantes, 17 à Lille et 18 à Bordeaux et à Paris, 20 à Lyon et à Montpellier, 22 à Marseille, 24 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 20 à Brest, 21 à Dunkerque, 23 à Lille, 24 à Bordeaux, 25 à Paris et à Orléans, 26 à Limoges, 27 à Toulouse, 28 à Lyon, 29 à Marseille, 34 à Nîmes et 35 tout de même du côté d'Avignon. La pollution, c'est moyen en ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 6. 6 à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon et Nice. D'ici à 7h, il y aura votre horoscope de l'amour, également le classement des régions dans lesquelles on bande le moins. Mais là, tout de suite, c'est parti pour l'actu. Et c'était pas notre jour, hein. Le Parisien résume bien la situation en une ce matin. La France a tout donné, mais elle a perdu hier en finale de l'Euro contre le Portugal. Un Euro à la maison, bien mené par Griezmann et les autres, mais qui s'achève donc sur une défaite. La déception est immense, il va falloir du temps pour la digérer selon Didier Deschamps qui restera bien le sélectionneur de cette équipe de France. Malgré tout, eh bien les fans n'ont pas à rougir puisque le parcours des Bleus reste admirable. Ils ont su nous faire vibrer pendant un mois. Une belle team qui s'est construite sous nos yeux et qu'on a hâte de retrouver dans les prochaines semaines, notamment pour les qualifs du Mondial à la rentrée. Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure à la 25e minute et la France a bien dominé le jeu. C'était sans compter sur Eder qui évolue à Lille et qui a offert la victoire aux Portugais pendant la prolongation. Score final 1-0 et un

On parlait des Français qui se prennent la tête et qui trouvent que leur partenaire a mauvaise haleine. Un tiers des Français trouvent que leur partenaire a mauvaise haleine. Pourtant, quand on aime quelqu'un, on aime tout, même sa mauvaise haleine. Même les défauts, ouais. Ouais, non, mais il y a quand même des limites, des fois. C'est vrai qu'il y a des limites aussi. Et bien, justement, on va résoudre ce problème. Nous sommes ce matin conseillères conjugales. Mmh. Moi, bon, je suis Karine Granval. De confession intime. Exactement. Tu es Karine Granval de confession intime. C'est la sœur des Bogdanov. Oui, elle a la tête des Bogdanov, mais en blonde. C'est vrai qu'elle est bogdanovienne un peu. Mais en blonde. C'est comme un Bogdanov avec une perruque blonde. Ouais, c'est ça. Celle qu'on voit en confession intime qui va chez les gens pour résoudre les problèmes. Eh bien voilà, on y va tout de suite. C'est parti, on file chez les Français, on va leur dire ce que leur partenaire n'ose pas leur dire. C'est ça notre métier de conseillère conjugale. Alors. Chez qui on va, Cédric? Là, on commence par Jean-Claude. Jean-Claude, eh bien sa femme a dit des trucs sur Jean-Claude. Allô? Allô, oui. Allô? Ah, vous êtes la femme à Jean-Claude? Oui. Bonjour, comment allez-vous? C'est le gars Francis. Exactement, c'est le gars Francis. Le gars Francis, conseiller conjugaux. Moi, je suis conseiller conjugaux. Monsieur, je l'ai dit, mais comme tu sais bien que le mien, il est sourd, il n'entend pas. Hein. Ah, oui. On sait bien, ouais. Alors, tu sais, j'ai discuté un petit peu avec ton mec. Ah. Et il m'a dit des trucs. Ah. Il n'ose pas te le dire, alors je suis chargé de t'annoncer la nouvelle ce matin. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour. Tu sais, tes jambes, elles piquent. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour ça? Oh non. Tes jambes qui piquent. T'as les jambes qui piquent. C'est-à-dire que quand il te caresse les jambes, il trouve que ça picote un peu. Un peu comme ça, tu vois. Puis il nous disait qu'il fallait que tu traces la moustache. Tu dis des conneries, toi. Non. Bah, il nous a dit la moustache, c'est pas possible. Il savait pas comment te dire, il nous a dit la moustache et les jambes qui piquent. Puis est-ce que tu pourrais te remettre des dents? Oh non. Je raconte que des conneries. Non, mais ouais, c'est pour rigoler. T'es un peu comme le Francis, toi. On va venir prendre l'apéro, on peut? Parce qu'on a soif, là. Ah, t'as soif encore, toi? Ah bah, t'as vu la chaleur qu'il fait dehors? On va se dessécher, là. Oui, il fait chaud, hein. Ah bah il fait chaud. Oui. Donc on va se mettre en slip chez toi et puis on va boire l'apéro. En slip chez moi. Ben, par contre, si tu te mets en slip toi aussi, n'oublie pas, tu piques. Ouais, un petit coup de rasoir, ça fera pas de mal. On peut amener la tondeuse à gazon si tu veux. Oh, mais on a ce qu'il faut. Ah bah voilà, ça va. Écoute, sors là. Mais la tondeuse, c'est un peu plus haut. Hein. Sors là du garage et puis on va s'occuper de ton cas quand on arrive. Francis tout craché. Francis. Eh bien, on te fait une grosse bise en tout cas, ma chérie. Hein. Ouais. Prépare-toi, on arrive en slip et on va boire l'apéro. Oui, c'est ça, oui. Allez. Salut. À tout de suite. Ouais. Et voilà. À tout de suite, la femme Jean-Claude. Ah, c'est sympa, bien, très c'est sympa. Bien. C'est la première fois qu'on teste ce métier de conseiller conjugaux. Pas mal. Ça cartonne. Une grande réussite. Non, mais Romano, on a peut-être une reconversion pour nous. Ouais, ouais, je vais ouvrir un cabinet. Bon, ben, conseiller conjugaux, ça marche. Ah, ben ouais. 6h-9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your style. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll Que Skyrock vous a passé avant les radios One Dance de Drake sur Skyrock. Il est presque 7h moins le quart lundi matin. Déjà lundi, c'est compliqué, mais alors encore plus compliqué après une défaite en finale de l'Euro. Bravo les Portugais, hein, bien évidemment. Félicitations pour cette belle victoire et cette belle Euro, ce bel Euro. Et puis bravo les Bleus. Aussi, on se remet de tout ça avec les meilleurs moments du Morning de Difool, la suite du Morning Best avec Difool qui va vous donner le classement des régions dans lesquelles on bande le moins. Voilà, le classement des régions qui consomment le plus de Viagra. Ça se prépare avec Niska, aussi Mustapha Jefferson et votre horoscope de l'amour dans 1 minute 08. Concert. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. On retrouve Patrick en direct du Tour à Valence. Oui. Patrick, une étape haute en couleurs. Hein. Ah oui, parce qu'ici, chez Ibis Styles, chaque hôtel a ses propres couleurs et chaque chambre son propre design. Alors figurez-vous que la mienne est jaune. Hein. Sans doute parce que je suis arrivé en premier. Hein? Allô? Cet été, à partir de seulement 35€ la nuit chez Ibis Budget, vous aussi, faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Meilleur moment du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. On y va direct avec votre horoscope de l'amour. 6h46, on est lundi matin, le 11 juillet. C'est 0 sur 5 de puissance amoureuse, malheureusement, pour les scorpions et pour les sagittaires qui trouveront sur leur route cette fameuse connasse qui va leur briser les burnes un petit peu pour toute la journée. 1 sur 5, les taureaux et les lions. Attention à ne pas vous laisser intimider par le regard des autres. 2 sur 5, les béliers et les gémeaux avec des échanges difficiles et des interactions un petit peu foireuses. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les vierges et pour les capricornes qu'on retrouve dans la compète pour exciter le mal en rut ou la jolie célibataire en manque d'affection. 4 sur 5, les cancers et les verseaux avec un nouveau pic de popularité. Et enfin, les balances et les poissons qui réussiront à se marquer de manière, se démarquer de manière positive et se rapprocher davantage du mec ou de la fille de leur rêve. Les balances et les poissons, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. De la puissance amoureuse au plus bas, tout de suite on parle des régions qui bandent le moins avec Difool et Romano dans le Morning Best et Niska par la suite avec Mustapha Jefferson sur Skyrock. C'est l'heure de vous donner, et oui, on va vous dire la vérité ce matin, le championnat de France de la demi-molle, en gros. Les régions où on consomme le plus de Viagra en France. Ouais. Ouais, c'est un sondage qu'on a chopé sur France TV, donc c'est pour dire, attends, à quel point c'est sérieux, service public et tout, hein, attention. Eh oui. Voici donc les régions où on bande le plus mou en France. Le verdict est tombé. Si vous habitez en Provence-Alpes-Côte d'Azur, oh, les bandes mous, sachez que c'est vous en France qui consommez le plus de Viagra. Ouais, mais là-bas, il y a plein de personnes âgées qui vont prendre leur retraite au soleil. Ah, c'est ça. Et donc ça bande mou. C'est possible. Et ils sont chauds, les papis et les mamies, et ils veulent. Ah, bah, avec le soleil, ça les redresse pas, hein, ça. Ah, bah, non, ça redresse pas. Il faut carburer au Viagra, ouais. 36,5 boîtes par an pour 1000 habitants. Alors que la deuxième région, excusez-moi, est la Bourgogne-Franche-Comté. Ah Romano, bah. Tu es deuxième avec ta région. Moi je m'en fous, je n'habite plus là-bas. Vous en consommez que 30 boîtes par an, vous. Non, mais moi, mon père, il avait essayé, moi. Et alors? Non, mais il m'avait raconté, mais c'était. Non, mais c'était infernal. Hein. Écoutez, ça, c'est le papa de Romano. Non, mais en fait, il avait une petite galère de santé. Et le médecin lui avait dit, ouais, tiens, je vous filais du Viagra. Un jour, il en a pris. Mmh. Mais c'était. C'est le papa de Romano. après, il n'en pouvait plus, le truc restait raide. Alors, pendant longtemps. Hein. Pendant deux semaines. Alors, si vous êtes tombé sur un gars, les filles, qui était un petit peu mollasson au niveau du sgeg, hein, ne vous inquiétez pas, s'il est bourguignon ou s'il est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est normal. C'est normal. D'accord, tout va bien donc. Troisième région de France, attention, je sais que vous flippez chez vous si vous n'avez pas encore donné le nom de votre région. Désolé, amis du Languedoc-Roussillon, du Midi-Pyrénées. Ah bah ça y est, c'est votre tour, vous êtes troisième. Vous êtes troisième. On va sauter le quatrième. Ah, le quatrième, c'est quoi, c'est la Loire. C'est la Loire du côté de Saint-Étienne. On parle des régions, bande d'incultes. C'est Rhône-Alpes. Oui, non, mais on parle des nouvelles régions. Rhône-Alpes-Auvergne. C'est à cause des Auvergnats, ça. C'est les Auvergnats qui nous ont fait baisser au classement. C'est une connerie d'avoir regroupé ces régions-là. Les Auvergnats, donc les Rhône-Alpins, quatrième. Cinquième, les Aquitains, le Limousin, la Poitou-Charentes. Sixième, l'Alsace, la Champagne et la Lorraine. Après, on trouve 7e, le centre et le Val-de-Loire. Les Parisiens vont se la péter, j'ai pas encore Paris là-dessus. Ah, d'ailleurs, je ne les ai pas dans le classement. Bah, c'est normal. 8e, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. 9e, Bretagne. 10e, Pays de Loire. 11e, Normandie. Ah, bah, les Parisiens sont derniers. C'est à Paris qu'on consomme le moins de Viagra. De Viagra. Ah, et voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai déménagé. Bah, voilà, bah, évidemment. Ah, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai déménagé. J'ai compris pourquoi. Donc, c'est un sondage officiel qui a été fait, donc, par. Mais genre, ils ont interrogé des gens, bonjour. Non, ils ont regardé combien ils vendaient. Ah, ouais, genre dans les pharmacies et tout ça, ouais. Exactement. Ah ouais. Ils sont allés dans les pharmacies pour voir combien ils se vendaient de boîtes. Et ben voilà, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes premier au championnat de la Bitmode. Ah, ça carbure avec les pilules bleues. Quoi. Oh putain, ça ne bande pas. Donne-moi la pilule, chérie. Ah, elle est où la pilule? Allez, dépêche-toi. Bon, les bourguignons, vous êtes pas mal non plus. Bah ouais, je suis bien triste, mais oui. 6h-9h, The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Jefferson de Niska dans le Morning Best sur Skyrock à 6h53. Le Morning Best avec de la déconne et des cadeaux. Tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h, on prépare les conseils pas chers de Romano pour les cadeaux. Attention, l'enceinte, la fameuse enceinte, a gagné la Monster Backfloat qui vaut quasiment 200 euros. On vous l'offre avec la triple compile Planet Rap 2016. À l'intérieur, vous retrouvez Jules, il y a Maître Gim, Soprano, MHDSCH, les Fifth Harmony ou encore Designer. La compile plus l'enceinte a gagné. C'est dans la roulette.

Phantom, why you see Panda, Package Swole, Danny, Selling Ball, Candy, Man not the macho like Randy, the chopper go out for Grammy, then nigga pull up your banner, hope the killers understand me. Panda, Panda, Panda. Le gros son rapueuse de Designer sur Skyrock, c'est la chanson du panda. Ouais, ouais, ouais. Les meilleurs moments du morning de D-Fool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Best. 6h59, bon réveil et bon début de journée à vous tous. On est lundi matin, le 11 juillet, le lundi, déjà, c'est compliqué. Alors en plus, après une finale perdue. Donc voilà, on se remet tout ça avec toute la déconne de D-Fool et Romano. Les meilleurs moments du morning, comment Romano s'est-il retrouvé coincé dans une bouche d'égout, dans un conseil pas cher. On va retrouver ça juste après, un point sur l'actuel sport qu'on va faire avec Rémi. Pour le son, il y aura Ken Jones aussi, le son Raga Dancehall de l'été. Pour les cadeaux, il y aura aussi des places pour Rihanna à l'Alliance Riviera de Nice. Et là, hein, l'enceinte, la Monster Backfloat à 200€. On reparlera de tout ça tranquillou. Tout ça à retrouver juste après l'actuel sport. Et ouais. Puis, le temps, ça va ou pas? Oui, ça reste agréable de manière générale. Bon, ça se dégrade quand même sur le massif central avec des orages prévus cet après-midi. De la pluie aussi en Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et Auvergne. Mais par contre, soleil partout ailleurs. Les températures ce matin, 14 degrés à Brest, 15 à Lorient, 16 à Orléans, 17 à Lille et à Limoges, 18 à Clermont-Ferrand et à Paris, 19 à Saint-Etienne, 20 à Lyon, 22 à Marseille. Et dans l'après-midi, 19 à Cherbourg, 21 à Quimper, 23 à Lille et à Alençon, 24 à Poitiers, 25 à Orléans et à Paris, 26 à Limoges, 28 à Lyon, 29 à Marseille, 33 à Gap et 36 à Manosque. La pollution, c'est moyen ce début de semaine, les indices compris entre 3 et 6, 6 à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon et Nice. Shakira, MHD, Justin Timberlake en prépa pour le son et là on y va pour l'actu. Aux larmes, citoyens, à en pleurer, accablé, désabusé, ce sont les mots ou le genre de citation que l'on peut lire dans la presse ce matin. On est fier quand même de cette équipe de France jeune et pleine de cœur et on aurait voulu la voir soulever la Coupe d'Europe. Malheureusement, le destin n'a voulu autrement et on est quand même content pour nos potes portugais toujours bien sympas qui enfin remportent un titre international. La déception est immense, il va falloir du temps pour la digérer selon Didier Deschamps qui restera bien sûr le sélectionneur de cette équipe de France. Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure à la 25e minute et la France a bien dominé le jeu, c'était sans compter sur Eder qui évolue à Lille et qui a offert la victoire aux Portugais pendant la prolongation. Score final 1-0 pour la Seleção. Au programme désormais des vacances bien méritées pour se ressourcer et revenir en forme à la rentrée pour le début des éliminatoires du Mondial 2018 qui se déroulera en Russie. Les hommes de Didier Deschamps seront à l'Elysée ce midi pour un déjeuner autour de François Hollande. Une cinquantaine de personnes interpellées hier après le match. Des incidents ont éclaté notamment aux abords du Stade de France et de la fan zone de la Tour Eiffel. Des affrontements ont eu lieu entre bandes et forces de l'ordre. Et la situation s'est calmée au fil des heures et les fans portugais ont fait la fiesta jusqu'à tard dans la nuit sur les Champs-Élysées. Le mot le plus utilisé hier soir sur les réseaux sociaux, pas Griezmann, pas Eder, pas Ronaldo, non, papillon. Et oui, ils étaient des centaines hier posés tranquillement sur la pelouse avant le match. Ils se sont bien évidemment envolés dès que les joueurs ont commencé à fouler le stade. Des invités de dernière minute qui sont restés aux premières loges comme pour mieux assister à ce match. L'un d'entre eux s'est même posé sur le visage de Ronaldo, ce qui n'a pas manqué de faire rire tous les internautes. Un homme arrêté à Pantin hier en Seine-Saint-Denis. Deux femmes ont été mortellement poignardées en pleine rue. Les circonstances de l'agression restent confuses. L'individu présenté comme l'agresseur est toujours en garde à vue. L'inquiétude dans le Lot-et-Garonne. Une fillette de 3 ans échappe à la surveillance de sa grand-mère hier après-midi. Elle a disparu sur une plage du lac de Lougrat. Les gendarmes ont rapidement été prévenus et les recherches pour l'instant n'ont rien donné. Des plongeurs et des maîtres chiens sont arrivés en renfort en fin de journée. Du sport et du basket, à défaut de sauter de joie pour les footballeurs, eh bien on peut se consoler avec les hommes de Vincent Collet. Tony Parker et les Bleus ont décroché leur billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Victoire contre les Canadiens, c'est dur contre les Canadiens et ils l'ont fait quand même, 83 à 74. Les Français remportent donc le tournoi de qualification olympique de Manille aux Philippines. Ouais, bravo. Ouais, c'est pas mal. T'avais rajouté un truc. Ouais, un petit mot de Formule 1 avec la victoire hier de Lewis Hamilton chez lui à Silverstone en Grande-Bretagne. Le pilote Mercedes s'impose devant son coéquipier Nico Rosberg et le petit prodige de chez Red Bull, Max Verstappen. Au final, Rosberg a eu une pénalité qui le fait reculer au 3e rang, annonce faite hier soir par les instances de la F1. Hamilton n'a donc plus que un point de retard au classement mondial. Prochaine course dans 15 jours en Hongrie, ce sera très chaud. Et on suivra tout ça grâce à toi car tu es premier sur la Formule 1. Rémi, c'est vrai, en plus toi tu rates pas un Grand Prix. Ah ouais, grave. Et on te file le rencard tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Les meilleurs moments du morning de D-Fool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Best.

Madame. Madame. Je sors des égouts. Ah, ça va mieux. Hein. Ah ouais. Ah oui, t'étais dans les égouts. Je croyais que t'étais à l'église, moi. Non. Tu dis, il est en train de se recueillir. Bon, il y avait un léger écho. J'irai à l'église après. Hein. Allô, la femme à Jean-Luc. Elle est partie. Allô, je suis dans les tuyaux, excusez-moi. Ah bah écoutez, elle me rejoint. Ah, c'est gentil, vous les débouchez. Faudrait les vider, madame. Vous vous en occupez? Il y a des gros caca qui bougent. Ah bon? Ah bah oui. Faudrait arrêter de faire des gros caca comme ça, madame. Donc je vais venir vous voir, vous allez me donner 150€ pour le nettoyage. Bien sûr, oui. Ah bah j'arrive dans les 5 minutes. Eh ben, je vous attends. Je sors des égouts et j'arrive. Très bien. À tout de suite. Eh bien, bravo Romano. Bravo. 150€ comme ça. La dame elle vit dans les tuyaux également. Ouais, ouais, elle est coincée. Très beau conseil, pas cher, c'est super ça. Ah bah ouais, comme ça, gratuit. 6h-9h, on est show. Le morning de Difool sur Skyrock. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mira, sangarewa, cause this is Africa. Tamina, mira, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1, 2, Z. My sister's well on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west. My city, waka, waka, my eh. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Skyrock. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi. En transe des mots, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bête compte sans moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le one. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. Ah, ah. Plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec, pour maman je serai tiens. Un oeil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant de bouger d'ici, je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enceinte dans mon tour. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Le soir je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin mais les jaloux sont là. Maman j'ai mal, maman j'ai mal. h 16, lundi matin, on est super content d'attaquer cette nouvelle semaine avec vous, avec les meilleurs moments du morning de Diffoul. Les plein de sons à s'écouter, c'était MHD sur Skyrock avec Maman j'ai mal, de la déconne et du cadeau dans le morning best de la déconne avec les meilleurs moments du morning de Diffoul. On va parler d'une boisson, une boisson qui est actuellement en rupture de stock à Cuba. Diffoul qui va vous raconter cette histoire dans quelques secondes. On va refaire une grosse dédicace également à Martin du 33. Il y a tout pile une heure d'entrée, hein, dès le début du morning best. Il est reparti avec ses places par 5 pour l'événement Skyrock, le concert de Riri, de Rihanna, la tournée des stades de Rihanna juste après l'Euro. Ça se prépare donc, on est à J-4 de la première date Rihanna qui sera vendredi à l'Alliance Riviera de Nice. On a encore des places à vous offrir. Le principe du jeu très très simple. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Riri, vous envoyez Rihanna au 7-20-20. Vous repartez avec vos invites par 5 pour la voir en concert Skyrock vendredi à Nice. Et ouais, il y aura peut-être encore une double à Rihanna d'ici à la fin du Morning Buzz. Vous restez bien à l'écoute. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Justin qui arrive tout de suite. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, dans 1 minute 15. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau Jul, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. C'est Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fifth Harmony. Designer. Écoute Skyrock à tout moment. Envoie roulette au 7-20-20 et gagne ta nouvelle compil Planet Rap 2016. Avec en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat, étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap 2016, la compil officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, pa. Roulette au 7-20-20, 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an! Waouh! Ça fait plus de 600 photos, ça! Vite! Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Sur Skyrock. Bonne journée à toi, Elodie. Elodie est en direct avec nous à Lille. Bonjour, Elodie. Salut, Elodie. Salut, la famille. Salut à toi, Elodie. Eh bien, c'est l'heure de jouer ensemble, Elodie. Tu as trouvé la bonne réponse. Est-ce que tu es une grande consommatrice d'alcool, Elodie? Pas une grande consommatrice, j'aime bien boire un petit coup. On parlait de Cuba. Cuba, destination de vacances de plus en plus. Le pays accueille de plus en plus de touristes. Par contre, ils n'ont pas prévu une boisson en rab, parce qu'il faut du rab pour les touristes en plus. Quelle est cette boisson qui va manquer à Cuba? Alors, on nous a dit du rhum. Non, c'est pas du rhum. Il y a plein de rhum, hein. Rien qu'en lisant vos messages, je suis quand même en fonce-dé ce matin. C'est pas du café, non, c'est une boisson avec de l'alcool dedans. Et c'est donc, Elodie, tu peux donner la réponse. De la bière. De la bière. La binouze est en rade. Une petite binouze dès le matin. Eh bien, Elodie, bien joué. 50 euros. Et tu viens de gagner ton premier chèque. Chèque de 50 euros que tu gardes quoi qu'il arrive. Et là, tu vas te battre contre Cédric ce matin. Ouais, ouais, ouais. Avec les questions du grand jeu de Cédric. Questions de culture générale. C'est l'heure de se cultiver. C'est sur Skyrock, évidemment, tous les matins. Et plein d'argent à gagner. Bonne chance, Elodie. Merci. Et j'ai alors vu que c'était plutôt une sorte de grand homme poilu. comme un homme des cavernes ou un homme de Néandertal. Le morning de Nifoul sur Skyrock. T'es Néandertal, Cédric. Ouais, je crois. Ouais. Ah, ça, une sacrée bestiole, quoi. Oh là, appelez-moi Cédric Néandertal. Bah, si ça te fait plaisir, Cédric Néandertal, aucun problème. 30 secondes chacun, un maximum de points. On fait les comptes juste après et on voit combien t'as gagné d'argent, Elodie. 50 euros par bonne réponse. Attention, Cédric, 30 secondes sur ton compteur. Allez. Are you ready? Elodie, 50 euros par bonne réponse, à condition de battre Cédric qui fait sa prestation tout de suite. Romano lui a demandé Are you ready? Cédric a répondu oui. Oui. Oui, oui. C'est donc, parti. 3, 2, 1, top chrono. Top chrono. Quel est le footballeur français d'Atlético Madrid qui vient d'être papa d'une petite fille? Facile. Je sais pas. Antoine Griezmann. Ah. Bon, combien y a-t-il de zéro dans 10 milliards? 10 milliards? Oui. 10. Ça se joue en 30 secondes. 10. Bonne réponse, ouais, Cédric. 1 point. Lettre M. Donne-moi le nom d'un mollusque qui commence par la lettre M. Moule. Moule, bien joué. 2 points. Porc et porc. Imite-moi le bruit d'un porc. Oh, 3 points. Bien, c'est trop bien. Facile pour lui. Hein. Ah ouais. Quel est le rappeur français qui va appeler son? C'est fini. 3 points quand même. Bien joué, Cédric. Tu as très bien fait le bruit du porc. Ah ouais. Vraiment, c'était trop facile cette question pour Cédric. On serait cru dans une porcherie. T'as vu un peu? Elodie, attention, 3 points, c'est pas mal, hein. Ok, ouais. T'es prête? Ah, attention, le stress. Le stress monte du côté d'Elodie. C'est parti, 3, 2, 1, top chrono. Question football, quel est le joueur du PSG qui a déclaré à vouloir avoir un film sur sa vie? Zlatan. Oui, un prénom, combien y a-t-il de zéro dans 1 million? 6. Oui, donne-moi le nom d'un port qui s'appelle le Vieux Port et qui commence par la lettre M. Le port de? Le port de Marseille. Bonne réponse. 3 points. Lettre M encore, donne-moi le nom d'un fruit qui commence par M. Une mangue. Oui, 4. Rappeur. Quel est le rappeur qui a appelé son premier album Feu? Ah, je sais plus. Nekfeu. Oh, c'est bête, ça. Nekfeu. Combien de réponses? Alors, ça fait 4 points. 200 euros plus les 50 euros de la question de sélection. 250 euros. Et oui. Oh, t'as battu Cédric. Tu pars avec ton chèque de 250 euros, Elodie. Bien joué. Ah, ouais, bien merci joué. Pas mal. Elle est forte, cette Elodie. Bah, bien joué, Elodie. On te fait un gros bisou. On t'envoie ton chèque de 250 euros à la maison. Tu vas faire quoi avec tes 250 euros? Partir en vacances. Oui, oui, c'est bien, partir en vacances. Eh bien, bonnes vacances à toi, Elodie. On te fait de gros gros bisous. On t'envoie tout ça à Lille. Et puis, bah, bon courage pour la journée de travail. Tu fais quoi dans la vie? Je sais pas demander. Je suis infirmière. Je vais bientôt partir là. Oh, vive les infirmières. Gros bisous à toi. Gros bisous. Salut, Elodie. Bisous. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Nifoul sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite pote. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bague. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite pote. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bague. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite pote. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que j'en trouverai pas comme elle. On visait la comète. On avait tout pour être bien. Mais je tentais déjà quand même. Je sais que j'en trouverai pas comme elle. On visait la comète. Tu me connais, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rengaine. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bague. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est lui quoi. Le réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est lui quoi. Le réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la White Weed. Fait du mal à ma petite. Skyrock, seule radio nationale à vous passer le son du Escrew, le Escrew, l'un des groupes de Nekfeu avec J'aurais pas dû. 6h-9h, Morning Best. The Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. On est lundi matin, il est 7h29, bon réveil et bon début de journée à vous tous. Plein de courage pour cette nouvelle semaine, le lundi, souvent très compliqué, quoique c'est une petite semaine. Il y a un jour férié qui arrive rapidement avec le pont du 14 juillet. Mais bon voilà, le lundi matin c'est compliqué, en plus ce matin on a un petit peu la tête dans le derche. Après la défaite d'hier soir, on se remet de tout ça avec de la déconne et du cadeau. Le Morning Best, les meilleurs moments du Morning de Default. On va parler des embrouilles, entre frères et sœurs, quels sont les pires motifs d'embrouille entre frères et sœurs. Il y a Diffoul qui va vous donner le classement. Attention, la roulette, la toute première de la matinée. En préparation, on va vous donner un top inscription. Dans moins d'un quart d'heure, ce matin, vous file l'enceinte, la Monster Backfloat d'une valeur de 200€. I took a pill in Ibiza. Mike Posner aussi. Juste après la queue, le sport, tout de suite, on fait un point avec toi, Rémi. Le temps pour ce matin, bien, pas bien? Ouais, c'est un petit peu moins bien en ce début de semaine. Ça se dégrade hein. À l'est. On a 13 départements en vigilance orange pour des orages attendus sur le massif central, en Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Alternance de nuages et d'éclaircies ailleurs, avec même des averses dans le sud-ouest et notamment sur les Pyrénées. Les températures ce matin, 14 degrés à Cherbourg, 16 à Angoulême et à Nantes, 17 à Lille, 18 à Bordeaux et à Paris, 20 à Lyon et à Montpellier, 22 à Marseille, 24 à Nice. Au meilleur de la journée, il fera 20 à Brest, 21 à Dunkerque, 23 à Lille, 24 à Bordeaux, 25 à Paris et à Orléans, 26 à Limoges, 27 à Toulouse, 28 à Lyon, 29 à Marseille, 34 à Nîmes et 35 du côté d'Avignon. Puis la pollution, c'est moyen ce début de semaine. Les indices sont compris entre 3 et 6, 6 à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon et Nice. On prépare aussi le réveil de star de Pascal Le Grand Frère et là c'est parti pour l'actu. Il faisait un petit peu chaud hier soir au Stade de France. Du coup, les Bleus ont pris une douche froide, histoire de se rafraîchir. Mieux vaut en rire qu'en pleurer ce matin et laisser les larmes de joie à CR7 qui attendait une coupe internationale depuis de nombreuses années, plus d'une décennie. La France a bien dominé, mais la France n'a rien pu faire contre le tir d'Eder qui a offert la victoire au Portugal à la 109e minute pendant les prolongations. Score final 1-0. La déception est bien sûr immense. Il va falloir du temps pour la digérer, selon Didier Deschamps, qui restera le sélectionneur de cette équipe de France. Les Bleus sont actuellement à l'hôtel Molitor à Paris. Le réveil sera difficile à coup sûr. Ils fileront ensuite à l'Elysée pour déjeuner avec François Hollande avant de prendre des vacances bien méritées. Prochain rendez-vous à la rentrée avec les éliminatoires du Mondial 2018, on verra sûrement les retours de Sacco et de Varane. Reste à savoir si Ben Arfa et Benzema viendront gonfler l'effectif. Une quarantaine de personnes interpellées hier soir après le match. Des incidents ont éclaté notamment aux abords du Stade de France et de la fan zone de la Tour Eiffel. Des affrontements ont eu lieu entre bandes et forces de l'ordre. La situation s'est calmée au fil des heures et les fans portugais ont fait la fête jusqu'à tard dans la nuit sur les Champs-Élysées. Un homme arrêté hier à Pantin en Seine-Saint-Denis. Deux femmes ont été mortellement poignardées en pleine rue. Les circonstances de l'agression reste confuse. L'individu présenté comme l'agresseur est toujours en garde à vue. La mort d'un torero en Espagne, c'est la première fois que cela arrive depuis 30 ans. Victor Barrio a été encorné au thorax par un taureau de plus de 500 kilos. Une feria qui finit donc dramatiquement. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a tenu à adresser ses condoléances sur son compte Twitter. Du repos aujourd'hui pour les coureurs du Tour de France. Hier, c'est le néerlandais Tom Dumoulin qui s'est imposé à Arcalis sous un orage qui restera dans les mémoires. Chris Froome reste en jaune alors que le double vainqueur espagnol Alberto Contador a abandonné à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis un deuxième titre à Wimbledon, un troisième grand chelem dans sa carrière, c'est du tennis bien sûr. Andy Murray a remporté le tournoi britannique hier contre Milos Raonic, victoire pour l'Écossais en 3-7, 6-4, 7-6, 7-6. On dit bravo Murray. Bravo Murray. Voilà, bravo Murray. À tout à l'heure Amy. À tout à l'heure. The morning show. Les meilleurs moments du morning de D-Fool. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Vous êtes à la maison dans les caisses, peut-être déjà en train de bosser, en train de vous remettre tranquillou de la finale et de l'Euro. En tout cas, nous, on est super contents d'attaquer la semaine avec vous, avec le son de Mike Posner avec Took a Pill in Ibiza dans le Morning Best. Le Morning Best qui se poursuit, les meilleurs moments du Morning de D-Fool. Un nouvel épisode à retrouver maintenant. SCH, le Marseillais aussi, avec Allo Maman. Et on prépare le réveil de star de Pascal le Grand Frère. Le sondage du jour, voici le classement des motifs de dispute entre frères et sœurs, je vous le donne dans un instant, mais juste avant vos témoignages, ça se prend la tête entre frères et sœurs, mais on s'aime quand même, très fort, et même s'il me tirait les cheveux quand j'étais petite. Ah, c'est Sophie qui nous laisse un message, son frère lui tirait les cheveux, mais c'est normal, elle a des cheveux quand t'es frère, que tu t'embrouilles avec ta sœur. C'est marrant, t'attrapes le premier truc, le premier truc à attraper. Bah oui, normal. Ah, c'est les couper, hein. C'est pas les seins, c'est pas les seins, c'est pas le attraper. Ouais, ah, non, c'est clair. Non, c'est bizarre. Là, il y a Charlie, elle, 19 ans, elle s'embrouillait pour la console et pour les places à table quand on reçoit des invités. Ah ouais. C'est le drame. Les places sont chères. Non, mais quand t'es frère, sœur, tu t'embrouilles pour n'importe quoi, ouais. On va vous dire tout ça dans un instant. Tiens, on a le témoignage d'Iliès au téléphone avec nous en direct de Fontenay-sous-Bois. Vous pouvez nous appeler, hein, 0153-40-30-20. Salut, Iliès. Salut, Iliès. Ça va? Et toi? Toi, t'as deux petits frères. Ouais, je sais ça, j'ai deux petits frères, un de 18 et un de 15. Et alors, embrouillé dans la famille ou pas? Mais c'est toi le grand, c'est bien quand on est le grand, non? Ouais, c'est moi le grand, c'est moi. Ouais, t'es le patron un peu, quoi. Ouais, voilà, mais avec mais ma mère a donné un peu raison à mon petit frère du milieu, ça veut dire j'étais un peu le bouc émissaire, vous voyez. Ah, en gros, ouais, c'est vrai, quand il y a un petit qui arrive et que t'es le grand, les parents, t'as souvent l'impression qu'ils vont le chouchouter, le privilégier. Ouais, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est ouais, ça, mais c'est alors ça. Toi, c'est bizarre si c'est pas le plus petit, c'est celui du milieu, le plus petit, lui, il est rejeté, lui. Oui, on le voulait pas. Ouais, lui, il était pas prévu, alors tu ne fais pas partie de la famille. C'était quoi les motifs d'embrouille? Bah, c'était par exemple, j'avais acheté la Play 3. Et je jouais avec mon frère, on jouait tout dans la chambre. Et des fois, en fait, lui, c'était un geek. Des fois, il jouait H24. Et moi, ça veut dire, je rentrais de l'école. T'avais plus accès à ta Play. Comment? Et t'avais plus accès à ta Play. Tu pouvais plus jouer sur ta Play, il était ouais, dessus. Ouais, voilà, exactement. Il était là, il criait devant la télé et tout. Moi, je lui disais, arrête de jouer. Je vais jouer, ça monte au jouer là, arrête. Et genre, il m'insultait et tout. Ah, bah, c'est évident, le petit frère, faut respecter. Ma mère a eu une raison. Ah non, elle lui donne raison, après on est obligé de se battre. Et ouais, c'est voilà. Ça, laisse-le, il est petit. Après, t'es obligé de le taper, ouais, yes. Et un petit coucou à tous les parents qui nous écoutent. Quand même. Oui, les parents qui nous écoutent et qui supportent tout ça, ouais, là, quand c'est même. C'est vrai, les pauvres. Bouge pas, Elias, on a Justine au téléphone en direct de Bourges avec nous. Bonjour, Justine. Salut, Justine. Salut, Justine. Tu as combien de frères et sœurs, Justine? Bah, j'ai un frère et une demi-sœur et un demi-frère. Ah. Quatre dans la famille. Non, ça fait trois, ouais. Parce qu'une demi, une demi, ça fait plus un frère. Plus Justine, c'est qu'une moitié. Excuse-moi. Et bon, les motifs d'embrouille, un petit comme ça. La télé, enfin pour la télécommande. Ah ouais, la télécommande, la fameuse télécommande. D'ailleurs, Romano, ouais. Tu voulais nous parler d'un de tes amis que tu ne citeras pas, même s'il a quatre mentons et qu'il est avec nous ce matin. Ouais. Ah non, mais là, c'était des mises à l'amende. Écoute bien, Justine. N'importe quoi. Par exemple, Cédric, il était assis sur le canapé chez lui. Faut pas le citer, t'as dit. Et oui. Ah oui, mais c'est vrai, Cédric. C'est peut-être pas toi. Alors Monsieur le moche. Non, Monsieur X. Le Monsieur X était sur son canapé tranquille, et à ce moment-là, il y avait son frère qui arrivait, lui arrachait la télécommande des mains. Changer de chaîne et il disait vas-y bouge maintenant. N'importe quoi. Et là, Monsieur X partait en faisant voilà, excuse-moi. Voilà, excuse-moi. Il y a des soirs également, il voulait rentrer chez lui. Le frère, il allait à l'intérieur, il disait non, je te laisse pas rentrer. Il l'a fait ça, ton frère, Cédric? Non, jamais. Si tu dois raconter. Ah, non. Son frère, il voulait pas le laisser rentrer. Cédric dormait sur le paillasson. C'est pas vrai. Et le meilleur de tout, c'est que Cédric, des fois, il est en train de manger. Son frère, il arrivait, il crachait dans son plat. Non, c'est pas vrai. Comment vous mixez les trucs? C'est un truc dégueu. C'est dans la On est d'accord, Ilyès et Justine, c'est une grosse victime. Alors voici le classement, écoutez bien, le classement des motifs de dispute entre frères et sœurs. En 1, la jalousie vis-à-vis des parents, peur d'être moins aimé que, etc. Ah oui, préférer à l'autre sur les cadeaux et tout. En 2, l'ordinateur familial. Et l'ordinateur sur lequel tout le monde a envie d'aller en même temps, forcément embrouille. En 3, quand t'es petit, qui va monter à l'avant dans la voiture? En 4, la console de jeu, comme toi Elias. En 5, le choix du programme télé, comme toi Justine. La télécommande. En 6, le temps dans la salle de bain. Et en 7, le ménage. Ah oui, il faut se partager les tâches ménagères. Ah ouais. Voici donc le classement. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se sont reconnus là-dedans. Des motifs de dispute entre frères et sœurs. Voilà, on aura fait la petite découverte ce matin. Et ben vous êtes La salle de bain aussi. Hein. La salle de bain, t'as ça aussi, toi, Elias? Ouais, la salle de bain, c'est un peu tout. On rentrait du foot, on était dans l'ascenseur. Ça disait, c'est moi le premier qui va me toucher. Non, c'est moi. Il y avait un acte de passage. Comme au supermarché avec étiquette. Ouais, c'est pareil. Ça bloquait le passage pour rentrer. Bon, super, Elias et Justine, on vous envoie des cadeaux à tous les deux. On vous embrasse tous les deux. D'accord. Salut. 6h-9h. Les shows. Le morning de Default sur Skyrock. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, j'serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirai que je n'ai que ma mère. Allô maman. Allô maman, ça va? Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois

on écoute. Et on écoute donc Pascal, Nicolas, c'est parti. Allez. Le grand frère va s'occuper de Nico ce matin. Oui, attention, passez un bon bonjour moment. Nicolas. Ouais, c'est qui? Pascal. Pascal. C'est vrai qu'il y a une époque on m'appelait le grand frère. Quelle connerie que c'est. Pascal, oui, le grand frère. Ah. Est-ce que toi t'es honnête? De quoi est-ce que je suis honnête? Écoute bien. Moi je vais être ta grand-mère, vas-y. Ouais, bah t'es qui toi? Pascal, c'était mon vrai prénom. Le numéro de téléphone. Ouais, et puis alors, bah t'appelles pour quel gosse? Est-ce qu'il a été flippé? Non, pas du tout. Pourquoi t'es agressif? Parce que je t'emmerde. Tu es en train de me provoquer physiquement. Ouais, bah viens. Ne joue pas avec moi physiquement. Attention. Bah toi non plus. Mais je suis pas quelqu'un de faible. Ah bah moi non plus. Sois fier de toi un peu. Bon, allez. Ah bah y'a pas de problème. Ça te fait rire en plus. Ah ouais, j'ai que ça qu'à faire. Tu vas les passer ton rire, je te le dis. Ouais. C'est la sorte froc. Bah, par contre, ça va. Déjà, j'ai pas envie de m'entendre avec toi. Bah, encore heureux, j'ai pas besoin de potes. Tu me brosses pas les dents? Bah, non. Je pensais que c'était ta chambre ou tes pieds, mais en fait, c'est ta bouche. Et toi, tu te laves le cul? Très bon contact, magnifique. Très bon contact. On parle déjà de choses intimes. Et toi, tu te laves le cul. Tout ouais, ça, c'est ça. J'ai que ça qu'à faire. J'ai que ça. Et c'est la sœur de Franck Ribéry. Ah ouais, ça y est là. On a trouvé la sœur de Franck Ribéry. Là, c'est pas que j'ai que ça qu'à dire. C'est j'ai que ça qu'à faire. Ouais, j'ai que ça qu'à faire. Moi, j'ai que ça qu'à main, Louis Vuitton. Oui, ah, un truc. Et bien, c'est ce qu'on a fait. On a rappelé Pascal et la famille. On s'est dit, il y a un bon contact. Et bien, voici le retour de Pascal et la famille de Nicolas. La même. Ouais, ouais. La même. Allô. Ah, Pascal le grand. Allô. Est-ce qu'il a été flippé? Tu veux une patate dans la gueule, mon gars? Donc tu manques de courage, on est d'accord? Hé, hey, donne-moi ton nom, si je manque de courage. Ah, c'est souhaitant, ça. Pascal souhaitait. Moi, c'est Jonathan. Voilà, c'est ça. Mon gars. Et je vais t'enculer, mon gars. Tu veux jouer? On va jouer. Pascal Souhaitens, je vais te trouver. J'amène le petit-déj. Appelle-le. Amène le petit-déj, je vais te le faire craber, ton petit-déj. Ne joue pas avec moi physiquement. Oh, tu crois que tu me fais peur, mon gars? Tu es en train de me provoquer physiquement. Moi, je rigole pas, mon gars. Je te donne un rendez-vous, tu viens, moi, je te défonce la gueule. C'est possible aussi, oui. J'ai qu'une paire de gants. T'as qu'une paire de gants, ouais. Puis moi, j'ai une tête pour te foutre un coup de boucle dans la gueule, mon gars. Mais si tu me connais très mal. Tu sais que la violence, toi. Oui, tu vas voir. Le problème avec la violence, je vais le régler avec toi. Je vais me défouler sur toi, tu vas voir. Tu vas manger le macadam, mon gars. Pourquoi pas faire un plateau télé? Oui, allez, viens quand tu veux. Déjà, t'es un blaireau, t'es même pas capable de donner ton nom, ton prénom. Tu sais qu'appeler les gens... Pascal. Je suis Pascal Souhaitens, vas-y, je suis le grand frère. Mes couilles, là. C'est une émission de télé, de radio, non? Exact. Voilà. C'est un petit abruti, non? Ah ouais, t'es sur Skyblock ou des... Bon, ça, c'est... Pascal, ça m'étonnerait pas. Hein. Ah, ouais. Chez nous. Ça te fait rire, en plus. Bon, ouais. Ça, ton rire, là? Bah, moi, j'ai pas une voix de ta fiole, hein, mon gars. Si tu fais de la radio, change de métier, parce que t'as putain avec la voix que t'as. Allez, salut, mon gars. Moi, ça me fait mal d'entendre tout ça. Ah bah oui, mais Pascal, pour une fois que tu fais de la radio ce matin sur Skyrock, c'est vrai, ça me fait de la peine. Ah oui. Eh ouais. Eh bah oui, Pascal n'est pas encore sur Skyrock, on m'a pas prévenu, mais il est non, pas non, là. Non, il est pas encore là, non. Non, il est pas là, très bien. Il est sur la 12, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Ah ouais, il était sur la 1. Bon, il était sur la 1, oui, mais après, bientôt, il sera sur la 23, voilà. Et après, la 50. Ça tombe, bien. C'est la descente aux enfers. 6h-9h, on les show. Le morning de Default sur Skyrock. Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you figure my every move? Who are you, who are you? You look so familiar. You're coming. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me? If you can love somebody like me, you must be Mr. Love too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me? If you can love somebody like me, you must be Mr. Love too. We used to talk till midnight, all those days that you stayed at my house. We were just passing the time, and we were young and we ain't had no vows. Nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience, together day and night. Yeah, deny on our supply. We ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me? If you could love somebody like me, you must be Mr. Love too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me? If you could love somebody like me, you must be Mr. Love too. Alicia Keys sur Skyrock à pratiquement 8h moins 5 dans le Morning Best. On prépare les conseils pas chers de Romano, le Morning Best avec les meilleurs moments du Morning de D-Fool. Mais juste avant, ça tourne. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Oui, la roulette qui peut tourner à n'importe quel moment. On a Sarah en direct avec nous. Ouais, Sarah. Oui, salut, ça va? Et toi, Sarah? Ça va, super. 27 ans du côté de M. M qui, on le rappelle, est la ville de... De Gradure. Eh oui, la ville de Gradure, voilà. Allez Sarah, on y va pour cette première roulette de la matinée. On va faire des pompes, des tractions comme Gradure. La roulette qui tourne, oui, à l'intérieur, toute nouvelle roulette. Il y a la triple compile Planet Rap 2016. Il y a aussi l'enceinte, la Monster Backfloat à 200 euros. Que vas-tu gagner Sarah? Peut-être la compile, peut-être l'enceinte, peut-être les deux, peut-être rien du tout. Ça serait pas de chance. Comme l'équipe de France d'ailleurs. Quand tu veux Sarah, tu cristalles. Avec la voix qui déraille, une bonne technique pour arrêter la roulette. Et la roulette qui s'arrête sur la case. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Sarah, pour toi, triple compile Planet Rap 2016, il y a tout le monde à l'intérieur, Soprano, Maître Gims, SCH, MHD, la Total Designer aussi à l'intérieur. Donc voilà, il y a plus de 40 sons sur la triple compile. Et l'enceinte aussi, c'est gagné. Super, merci beaucoup. Félicitations super, super. Sarah. Voilà. C'était la première fois que j'envoyais un message en plus pour avoir la roulette, c'est super. Franchement, merci Sky. Ce qu'on appelle la chance du débutant. Tout à fait. Je rentre du boulot ici, je vais aller dormir toute contente. D'accord, ok, t'as bossé toute la nuit. D'accord, bah juste avant d'aller au lit. Donc voilà, l'enceinte insubmersible, elle vaut 200 euros, la Monster Backfloat qu'on t'envoie avec ta compile. Bonne merci nuit. Beaucoup, merci. Bonne journée. Toi aussi, bonne nuit, je te souhaite ça. Salut. Okay. salut, merci bisous, Sky. À bientôt, ciao, ciao bisous. Sarah. Et puis il y aura d'autres roulettes, hein. Ça retournera tout à l'heure dans la matinée. Pour vous inscrire, faites comme Sarah, vous envoyez roulette au 7-20-20. Sans place à gagner pour le premier stade en France de Rihanna. This is Rihanna. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice. Dès que tu entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna au 7-20-20 Skyrock. Et gagne 5 places pour aller voir Rihanna en concert avec Skyrock. So you guys ready? Tes 5 places Rihanna à gagner au 7-20-20. 65 centimes plus coût d'un SMS. Après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, la nouvelle comédie de Philippe de Chauvron débarque au cinéma. Un flic. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous repartez ce soir, vous allez à Kaboul. Ah oui, effectivement, c'est moche. Un prisonnier compliqué. Ah, ça termine, ça termine. Et une mission qui dérape. Suite à un problème mécanique, nous allons devoir nous poser sur l'île de Malte. Débarquement immédiat, la comédie de l'été, le 13 juillet au cinéma, en partenariat avec Skyrock. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Alors, palme, ok, maillot, ok. un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an ! Waouh ! Ça fait plus de 600 photos, ça ! Vite ! Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait ? Je suis allé chez o.com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère ? Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mysterauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'a envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto... Pas de mystère, Mister Auto. C'est aussi pour les pros. Mardi 12 juillet, c'est le Prime Day sur Amazon. Les offres exceptionnelles seront partout. En ville, à la campagne, en voyage et même dans votre lit. Où que vous soyez, dans la rue, au travail, dans un train ou un taxi, dans un parc ou un parking, les offres seront partout. Sur des articles dont vous avez vraiment besoin ou qui vous feront vraiment plaisir. Le 12 juillet, découvrez le Prime Day, la plus grande journée d'offres exceptionnelles sur Amazon, exclusivement pour les membres premium. Rendez-vous vite sur Amazon.fr. Amazon Premium est gratuite pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an, voire conditions sur Amazon.fr. Tu l'as découvert dans Planète Rap sur Skyrock. Je me présente en chantant, enchanté, c'est Sadek. Sadek, le rappeur du 9-3, débarque dans l'émission rap de référence. C'est avec Sadek dans Planète Rap, Planète Rap. T'es dans la caisse, y'a pire que la mort. Projet à dévoiler en direct et en freestyle toute la semaine dans Planète Rap. C'est Planète Rap Sadek. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock, sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Planète Rap. L'émission rap numéro 1 en France. L'événement magique à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf! Avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. Le Morning de Difool. Le Morning Show. 6h, 9h sur Skyrock. I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta go to work. You don't gotta go to work. You don't gotta go to work. And my body do the work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make a clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight books, she take that. Put in overtime on your body. du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. Lundi matin, il est 8h02. On vous souhaite à tous un bon début de matinée. On est là pour se remotiver après l'Euro, après la finale perdue hier contre les Portugais. On se met de la déconne sur Skyrock, de la déconne et des cadeaux. Les meilleurs moments du morning de Difool. Ça se poursuit avec les conseils pas chers. Le déodorant de Romano à découvrir dans les conseils pas chers. Du son avec Riri, avec Rihanna, Rihanna avec Calvin Harris. What You Came For, un son de Rihanna en préparation. Y en aura-t-il un deuxième derrière? Je vais rappeler quand même ce qui s'est passé tout à l'heure à 6h du mat. On a dit qu'il y avait un son de Rihanna, qu'il y en aurait peut-être un deuxième avec des places à gagner. Il y en a plein qui nous ont laissé des messages genre, ah, 6h, vous filerez jamais les places. Et il y a Martin, voilà, Martin du 33, on a fait une double à Rihanna. Et Martin du 33 est reparti avec ses 5 places pour le concert Skyrock de Rihanna à l'Alliance Riviera de Nice. On prépare un son de Rihanna. S'il y en a un deuxième derrière, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos places par 5 pour la tournée Skyrock de Rihanna. Rémi, toi, t'es en tournée tous les matins sur Skyrock pour l'actu et pour le sport. On y va tout de suite avec le temps. Et ben, c'est un petit peu moins bien en ce début de semaine. Ça se dégrade là ce matin à l'est. On a 13 départements en vigilance orange pour les orages attendus sur le massif central, en Rhône-Alpes ou encore en Franche-Comté. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs, avec même des averses dans le sud-ouest, notamment sur les Pyrénées. Les températures ce matin, 14 à Brest, 15 à Lorient, 16 à Orléans, 17 à Lille et à Limoges, 18 à Clermont-Ferrand et à Paris, 19 à Saint-Etienne, 20 à Lyon, 22 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 19 à Cherbourg, 21 à Quimper, 23 à Lille et à Alençon, 24 à Poitiers, 25 à Orléans et à Paris, 26 à Limoges, 28 à Lyon, 29 à Marseille, 33 à Gap et 36 tout de même à Manosque. La pollution, c'est moyen en ce début de semaine. Les indices compris entre 3 et 6. 6 à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon et Nice. Pour le son, prépare du Soprano, 21 Pilots, le tout nouveau, et du Drake. Et là, c'est parti pour l'actu. Ça fait partie désormais de l'histoire et parfois, eh bien, les histoires finissent mal. On est fiers tout de même de cette équipe de France, jeune et pleine de cœur. On aurait voulu la voir soulever la Coupe d'Europe. Malheureusement, le destin l'a voulu autrement et on est quand même content pour nos potes portugais, toujours bien sympas, qui enfin remportent un titre international. La déception est immense, il va falloir du temps pour la digérer. Ce sont les mots de Didier Deschamps, qui reste quand même sélectionneur, heureusement d'ailleurs, de cette équipe de France. Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure à la 25e minute et la France a bien dominé le jeu. C'était sans compter sur Eder, qui évolue à Lille et qui a offert la victoire aux Portugais pendant la prolongation. Score final 1-0 pour la Seleção. Au programme désormais des vacances pour se ressourcer, revenir en forme à la rentrée pour le début des éliminatoires du Mondial 2018 qui se déroulera en Russie. Les hommes de Didier Deschamps seront reçus à 13h ce midi à l'Elysée pour un déjeuner autour de François Hollande. Le mot le plus utilisé hier sur les réseaux sociaux, papillon. Ils étaient des centaines hier posés tranquillou sur la pelouse avant le match. Ils se sont bien évidemment envolés dès que les joueurs ont commencé à fouler le stade. Des invités de dernière minute qui sont restés aux premières loges comme pour mieux assister au match. L'un d'entre eux s'est même posé sur le visage de Ronaldo, ce qui n'a pas manqué de faire rigoler les internautes. Un homme arrêté hier à Pantin en Seine-Saint-Denis. Deux femmes ont été mortellement poignardées en pleine rue. Les circonstances de l'agression restent floues. L'individu présenté comme l'agresseur est toujours en garde à vue. L'inquiétude dans le Lot-et-Garonne. Une fillette de 3 ans a échappé à la surveillance de sa grand-mère hier après-midi. Elle a disparu sur une plage du lac de Lougratte. Les gendarmes ont rapidement été prévenus. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné. Des plongeurs et des maîtres chiens sont arrivés en renfort en fin de journée. Puis du sport et du basket, à défaut de sauter de joie pour les footballeurs, eh bien, on peut se consoler avec les hommes de Vincent Collet. Tony Parker et les Bleus ont décroché leur billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Victoire contre les Canadiens, 83 à 74. Les Français remportent donc le tournoi de qualification olympique de Manille aux Philippines. Un grand bravo aux Bleus, des copains de Skyrock. On a tous reçu Nicolas Batum, Nando Docolo, Tony Parker. Voilà, c'est des mecs cool et on est content pour eux. On les suivra au JO et pourquoi pas les taper, les Américains. Eh ben, j'espère pourquoi bien. Eh ben, ouais, voilà, on sera derrière eux. Rémi, on te retrouve tout à l'heure. L'actu, le sport. À tout à l'heure. 6h-9h sur Skyrock. Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Là, on met un son de Rihanna tout de suite. S'il y en a un deuxième derrière, vous mettez Rihanna au 7-20-20 et vous gagnez vos 5 places pour la tournée Skyrock de Riri. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Came for lightning strikes. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Skyrock, Morning Best. Best Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. C'est bientôt l'heure des conseils pas chers et on parlait de des ventes de cosmétiques pour hommes qui ont progressé de 70% entre 2012 et 2014. Mmh. Ça veut dire que nous, les hommes, on fait de plus en plus attention à nous. Ouais. Ben c'est bien. On a raison de faire attention à nous parce qu'on est beau gosse, on veut le rester. Ah oui, les petites crèmes de jour et tout. Ah, un petit coup de déo, ça va mieux. Tu sens mes aisselles, Cariole. Mmh, ah ouais. Pas mal. Mmh. Ça sent très bon. Vas-y, mets-en un peu là à côté de Cariole. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui. Non mais c'est pas moi. Hein. Ça c'est quoi? Ah Cédric. Non non moi ça va. On n'a pas eu le temps de prendre sa petite douche ce matin. Je vais la douche. Toi non plus t'es pas passé par la douche. Ah si je suis passé par la douche. Oh mytho. Non pas par la douche mais je suis passé par un peu une petite toilette générale. Mais ça se voit à ton visage. Une toilette de chat exactement. Bon alors Romano tu t'es dit c'est un business pour moi. Ah bah c'est clair. Donc je vais aller je vais dire aux gens qui puent en gros. D'accord. Et je vais leur proposer un nouveau déo parce que là en fait Ménen. Ouais. Bon c'est pas les seuls c'est pas les premiers en plus. Il y a des nouveaux déodorants qui existent. C'est comme ça qu'on dit. C'est les déodorants intégral. Intégral corps. Déodorant corps intégral 48 heures, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Et en gros, vous pouvez en mettre partout. Par exemple, les garçons, vous pouvez en mettre sur le zizi. Ah, c'est un déodorant qui fait aussi déodorant de kiki. Oui, c'est ça. Zizi, raid du cul. Ah, déodorant du cucu. Déodorant du kiki, déodorant du cucu. En fait, en gros, tu peux également faire déodorant de sous les bras. Ouais, en fait, quand tu t'en mets sous les bras, est-ce que tu as les sous les bras qui sentent le cul ou pas? Ah Bah, tu prends le même en bout pour les trois? Bah ouais. Non mais c'est ça fait pchit. Non mais c'est un spray hein. Ah ouais. Ah ouais parce que si c'est un roll-up. Ah ouais le roll-up. Ah ouais non le roll-up. Je mets le roll-up. Alors je m'en mets d'abord sur les fesses et puis après sous les bras bien sûr. Voilà. Avec un peu de chance de l'arrêt du cul, t'en arraches un, tu leur colles sous les bras le poil. Ils se déplacent, ils se discutent quoi. C'est bien, tu fais des transferts de poils. Grave. Moi et ça m'a toujours fait rigoler sur les trucs de déodorant, c'est toujours écrit 48 heures. Ça veut dire que tu te laves pas pendant 48 ouais, heures. Ouais mais ça c'est pour les sales. Non, mais c'est pas vrai. Non mais puis jamais ça tient 48 heures. Il y a même 72 heures maintenant. Ouais c'est vrai ouais. Conseil pas cher. Ah bah là faut y aller. Allez go. C'est bien connu. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Romano lui, c'est un voleur à crâne d'œuf. Les conseils pas chers sur Skyrock. Alors les conseils pas chers, on va voir. Je crois que c'est le meilleur jingle de l'année. J'allais l'adore. Dire. Je l'adore, c'est mon préféré. Alors c'est parti, direction les familles. Je vais leur proposer le fameux déo intégral. Ouais, il y en a. T'en avais mis beaucoup dans le studio là. Ça nous ouais, ouais, un peu, ouais. Le gel déodorant spécial partie intime, lancé en 2013 aux États-Unis dans les magasins de sport pour les athlètes qui se plaignaient de transpirer au niveau de l'entrejambe. Oui, de plus en plus de parts de marché. Oui, ça allô. Marche très fort. C'est très My fort. Man. Oui. My Man. Oui. Oui. Bonjour, comment tu vas? Oui, mais c'est qui appelle? Eh ben, c'est un des voisins, là. Dis donc, je t'appelais, là, parce que l'autre fois, je suis passé devant chez vous, ça sentait mauvais. Comment ça sentait mauvais? Bah, j'ai l'impression, je sais pas, ça devait être toi ou ta femme, hein. Il y avait une odeur très forte. De transpiration, un peu. De sueur et tout ça, là. Donc, je voulais te proposer de t'amener un déo intégral. Un quoi? Un déodorant intégral. C'est-à-dire que tu peux t'en mettre partout, hein. Tu peux te pulvériser l'arrêt des fesses. Un petit coup sur le zizi et c'est parti. Et puis pour les voisins, ça serait pas un luxe. Hein. Je peux passer dans 5-10 minutes. My man. Oui, mais passe, on va voir un peu. Hein. Ah. Ouais, bah parce que je vais passer parce que je suis désolé. Il va porter un déodorant parce que ça sent mauvais. Ah bah non mais ça pue la sueur. Hein. Il l'est dit à sa femme. Mais vous lavez, vous lavez ou pas? De quoi? Vous vous lavez de temps en temps ou pas? N'importe quoi, vous êtes malade. Ah bah non, mais. Se laver, t'es malade? Par contre, ça sent très fort chez vous, hein. Un petit coup, parce que là, c'est. Ah là, ouais. Même en temps marré. Non. Attends, après, Cédric, ton micro était ouvert. Attends, après, Cédric, je gère avec. My man! Il appelle la police, là. Aïe, aïe, aïe. My man! Non, il est en train d'appeler la police, Romano. Bon, moi, j'arrive, hein. Et le déo, c'est 20 euros, donc tu te dépêches de sortir le billet. C'est bien t'annoncer le prix juste avant qu'il raccroche. Voilà, juste parfait. Avant, bravo, bien joué. Bon, alors Cédric, tu voulais. Et tu non, c'est bon, moi. Tu seras accueilli par la police.

362 fois. Bravo. Voilà, 362 fois plus de bactéries sur des haltères que dans que sur les lunettes de toilette publique. Ah voilà. Eh ben écoute, ça donne envie, tiens. Hein, bonne publicité pour les salles de sport. Ouais, la prochaine fois démontez un chiotte, hein, plutôt que de porter les haltères. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais. C'est lourd aussi. Hein. Ou alors quand vous allez à la salle de sport, prenez des lingettes. Exactement, des petites lingettes. Bravo Clément, tu es qualifié pour jouer contre Cédric. Je sens que tu vas être un gros adversaire pour lui ce matin. Et quoi qu'il arrive, Clément, t'as déjà gagné les 50 euros de la question de sélection. Oui, Romano, tiens tes bourses. Ah d'accord. Ah oui, je ta bourse, pardon. Oui, oui, oh, bah, je peux te tenir les deux, va. Aussi. Bon, Clément, on va jouer, c'est parti. Jingle de Cédric, tout de suite. Cédric. Bon, les shows. Ni homme, ni bête. Source de cauchemars et aberration de la nature. Oh, le morning de Default sur Skyrock. C'est ton jingle, il est beau ce jingle. Hein. Pourquoi c'est beau, pourquoi j'en ai pas des pareils aussi beaux que ça? Oh, ils peuvent t'en faire si tu veux, t'inquiète. Magnifique. Hein. Bon, on va jouer avec toi, Cédric, tu montres comment ça marche. 30 secondes pour répondre à un maximum de questions. Après, Clément, tu t'y colles et on voit qui gagne. On y va? Alors, allez, attention, Cédric, 30 secondes, comme d'habitude. 3, 2, 1, top question. Top chrono, Ligue des Champions, depuis combien d'années consécutives le PSG s'est-il fait éliminer en quart de finale? 3. Oui, 4. 4. Ah, dommage. Pas de chance. Lettre V, donne-moi un verbe qui commence par la lettre V. Vouloir. Bien. Un point. Jeu old school, quel jeu de société consiste à former une ligne de 4 pions sur une grille? Morpion. Non, puissance 4. Ah, putain. République, sous quelle république sommes-nous actuellement en France? 5e. Bien. 2 points. 2 points, on continue, Cédric. Proverbe, tous les chemin mène à Rome. Bonne réponse. 3 points. 3 points. 3 points. Pas mal, pas mal. Ouh là là. Il a performé. Ah, il est content, il sourit, il est content. 3 points, c'est pas souvent. Hein. Ah ouais. Ah, c'est bien là. Ouais. Pff. Clément, Cédric s'est surpassé ce matin. Ah ouais, alors là, on ne s'en remet pas. Clément, il est dégoûté. Clément, putain, Clément, t'as pas de bol, t'es tombé un jour où le con est en forme. Ah, c'est pas vrai. On va aller vite, Clément. Non, mais t'inquiète, ouais, Clément. On peut le battre. Tu sais, après, on peut faire. Des fois, le chronomètre, il dure plus longtemps que prévu. Non. T'inquiète pas, je vais sauver ça, mon pote. On va s'arranger, t'inquiète pas. Top chrono. Alors, attention. Secondes. Clément, concentration. 3, 2, 1. Top chrono. Ligue des Champions, dans la victoire 1-0 du Real, combien de buts a marqué Cristiano Ronaldo? 3. Bonne réponse. Lettre V, donne-moi un moyen de transport à deux roues qui commence par la lettre V. Vélo. Bien. 2 points. Jeu old school, quel jeu de société consiste à acheter des rues pour y placer des hôtels? Facile. Monopoly. 3 points. Question 5ème République, donne-moi un président de la 5ème République à part Sarkozy et Hollande. Jacques. Pompidou. Oui, si tu veux. Pompidou. Proverbe. Quel complète le proverbe impossible n'est pas? Oula. Trop tard. J'ai oublié. Français, français, tout simplement. Français, français. Impossible. Français. La bonne nouvelle, c'est que t'as gagné. Oui. Oh, bravo, quand même. 4 bonnes réponses. Ah donc, ça fait 200 euros. Plus la question. Voilà, 250 euros. Voilà, 250 euros qui tombent chez toi. Bravo, Clément. C'est bon. Bien joué. Merci, l'équipe. Voilà, merci, t'as déchiré, Cédric. Bien joué. 50 euros par bonne réponse, plus la question de sélection. On est bien à 250. Félicitations. Le compte est bon. C'est bien de se faire 250 euros en se réveillant le matin sur Sky. Ah, bah, en 30 secondes, oui. Ah ouais, ça va, ouais. J'aimerais bien te payer 250 euros les 30 secondes. Ah ouais. Et bah, c'est le tarif. Bravo, Clément. T'envoies ça à Deuil la barre. Merci Difool, merci beaucoup à toi. Difool, ah super. Tu vas bosser ce matin, tu fais quoi Clément? Ouais, je vais aller au lycée là tout à l'heure, voilà. Bah. T'as l'air d'être motivé. Ça s'entend. Hein. Salut Clément, bonne journée. 6h-9h, on est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking. time on my ride. I'm on my ride. Sur les nouveautés, c'est Skyrock, les 21 Pilots avec Ride. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning show. Morning best. La dernière demi-heure de l'émission avec tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le morning de Difool tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. C'est le morning best, 8h31. Lundi matin, motivé pour attaquer la semaine avec Difool qui va vous donner le classement des animaux les plus intelligents. On prépare également le réveil de Star d'Omar Sy. On va utiliser sa voix pour réveiller une famille. On a plein de cadeaux, on a envie de remotiver tout le monde après la finale d'hier soir, de consoler tout le monde avec la grande tournée des stades de Rihanna. On a plein d'invites à vous offrir. La première date, c'est vendredi. On est déjà à J-4. Ça fait des mois qu'on en parle. Rihanna qui sera vendredi du côté de l'Alliance Riviera de Nice. On a des invites par 5 à vous offrir. On va écouter un son de Rihanna dans quelques minutes. Si vous en entendez un deuxième, vous envoyez Rihanna au 7-20-20 et vous repartez avec vos invites, avec vos places par 5. Il se pourrait que ça tombe d'ici à 9h. On écoutera aussi l'un des poteaux de Riri, c'est Drake. Poteau, mec, ex, on sait pas trop. Sex Fred. Hein? Sex Fred. D'accord, t'es dans le business toi, Rémi, toi, bah, tu sais ce qui se passe. Attends. Le mec de Rihanna, c'est Difool, il va rentrer de vacances, il va t'en coller une direct. Et en Italie, pardon. Ben oui, oui, mais bon, voilà, bah ouais, c'est pas pour ça qu'il faut raconter de la merde. Bon, la météo, Rémi, ça dit quoi? C'est un petit peu moins bien ce début de semaine, ça se dégrade tout de même à l'est. On a 13 départements en vigilance orange pour les orages attendus sur le massif central en Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Alternance de nuages et d'éclaircies ailleurs, avec même des averses dans le sud-ouest, notamment sur les Pyrénées. Les températures ce matin, 14 degrés à Cherbourg, 16 à Angoulême et à Nantes, 17 à Lille, 18 à Bordeaux et à Paris, 20 à Lyon et à Montpellier, 22 à Marseille, 24 à Nice, au meilleur de la journée, 20 à Brest, 21 à Dunkerque, 23 à Lille, 24 à Bordeaux, 25 à Paris et à Orléans, 26 à Limoges, 27 à Toulouse, 28 à Lyon, 29 à Marseille, 34 à Nîmes et 35 tout de même à Avignon. La pollution, bah c'est moyen, les indices compris entre 3 et 6, 6 à Lyon, Marseille, Avignon, Toulon et Nice. Pour le son, il y aura aussi Ken Jones, c'est l'horoscope de l'amour et là on y va pour l'actu. C'était pas notre jour. Le Parisien résume bien la situation en une ce matin. La France a tout donné mais elle a perdu hier en finale de l'Euro contre le Portugal. Un euro à la maison, bien mené par Griezmann et les autres, mais qui s'achève donc sur une défaite. La déception est immense, il va falloir du temps pour la digérer. Ce sont les mots à chaud de Didier Deschamps, qui restera bien sûr le sélectionneur de cette équipe de France. Malgré tout, eh bien les fans n'ont pas à rougir puisque le parcours des Bleus reste admirable. Ils ont su nous faire vibrer pendant un mois. Une belle team qui s'est construite sous nos yeux, qu'on a hâte de retrouver dans les prochaines semaines, notamment pour les qualifs du mondial. À la rentrée, Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure à la 25e minute et la France a bien dominé le jeu. C'était sans compter sur Eder qui évolue à Lille et qui a donc offert la victoire aux Portugais pendant la prolongation. Score final 1-0 et un premier titre international pour la Seleção. Place maintenant aux vacances pour les Bleus, mais avant, un déjeuner autour de François Hollande tout à l'heure à 13h du côté de l'Elysée. Une quarantaine de personnes interpellées hier soir après le match. Des incidents ont éclaté notamment aux abords du Stade de France et de la fan zone de la Tour Eiffel. Des affrontements ont eu lieu entre bandes et forces de l'ordre. La situation s'est calmée au fil des heures et les fans portugais ont fait la fête, la fiesta, jusqu'à tard dans la nuit sur les Champs-Élysées. Les manifestations contre les violences policières qui se multiplient aux États-Unis de manière générale, elles se sont déroulées dans le calme, sauf en Louisiane où quelques affrontements ont éclaté. Des routes majeures ont été bloquées dans le Tennessee ou encore à San Francisco. Rassemblement dans le

l'accompagne. C'est vrai, en fait, il la boit, il l'accompagne à la porte parce qu'il a envie qu'il parte. Ah ouais, même le week-end. Pourquoi tu pars pas aujourd'hui? Bah, non, mais c'est ça, tu sais, il me regarde et il se dit putain, mais casse-toi. Fous-moi la paix. Ah oui. Je sais pas si c'est intelligent, mais en tout cas, oui, c'est. Non, mais il connaît mes horaires. C'est fou, hein. Bah, c'est dingue ça. Ah ouais, ça, c'est. Ça, on a même été surpris nous-mêmes. Hein. C'est dingue. Bah, quand il a pas repéré le week-end encore. Hein. Non. Ah, non, il est un peu décalé, ouais. Cindy a un animal intelligent, c'est son chat, je crois. Bonjour Cindy. Salut Diffoul, salut l'équipe. Bonjour Cindy, qu'est-ce qui fait ton chat? Alors moi mon chat elle se comporte un peu comme un chien. Quand on joue avec elle, qu'on lui lance soit une petite souris soit un fil, elle le ramène. Ah, en général un chat, ouais c'est vrai, il le garde pour lui hein. C'est vrai. Et puis quand elle en a marre, elle s'en va avec. Tu veux pas nous prêter ton chat cariolé à moi pour qu'il explique à notre chien comment ramener une balle? Ah bah si tu veux. Explique-moi, je comprends pas. Ouais, on va faire un tuto. Ah ouais, ton chien il ramène jamais la balle. Bah il la ramène. Si ouais. À moi, mais pas à toi. Ouais, quoi, il te la ramène. Il la pose à 3 mètres de cariole. Eh bien le chien est intelligent, il sait que Romano est radin, que si on lui ramène une balle, il la rendra pas. C'est clair. Alors les animaux les plus intelligents d'après vous, c'est quoi l'animal le plus intelligent? Moi je dirais le porc. Moi aussi le porc. Mais le non. Porc. Le singe. Le chien. Le chien. Personne n'a la bonne réponse. Ah. Une idée, Cindy, l'animal le plus intelligent, c'est connu pourtant. Le chat. Je vais essayer de vous limiter. Le dauphin. Ah, le dauphin, ouais. Putain, j'imite bien le dauphin. Dauphin. Ouais. C'est le... Je savais pas que j'imitais le dauphin comme ça, moi. Le dauphin est l'animal le plus intelligent, l'animal terrestre. Derrière l'homme, hein, bien sûr. Oui. En deux, le chimpanzé, Cédric. C'est moi. Non, mais je suis pas un chimpanzé. Non, en plus, je suis un gorille, toi. Ouais, c'est ça, ouais. En trois, l'éléphant. En quatre, la baleine. Et en cinq, le chien, quand même. Ah ouais. Il est là. Ah ouais. Et le chat aussi. D'accord. Le chien et le chat sont pratiquement aussi intelligents l'un que l'autre. Il y en a juste un qui est un peu plus fourbe que l'autre en ouais, général. Ouais, c'est le chat. Eh, c'est le chat. Après, on trouve les chevaux, les brebis. Les souris, les rats. C'est pas con un rat et une souris. Il paraît, vrai, ouais. Et il n'y a pas les cochons. Et j'ai pas les cochons, j'ai les lapins si tu veux. Ah ouais. Non, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Non, bah non, c'est pas pareil. C'est clair. Mais bon, voilà. Ouais, super, je t'échange à lapin contre les cochons. On reparlera des animaux intelligents et tiens, moi c'est mon perroquet gris du Gabon qui est trop intelligent. Tu nous diras pourquoi, Isa. On en reparlera ces prochains matins. Et Justine a un chat qui est exactement comme le tien, Cindy. Il ramène la balle, c'est mignon. Et il dort avec après. Il dort avec sa balle, il est content, c'est tout mignon. C'est tout adorable. Ça. Ouais, c'est tout mignon. Voilà. Et si vous voulez un animal super intelligent, chien, chat, ça va. Sinon, vous achetez un dauphin. Voilà, dans la, dans la baignoire, c'est nickel. Dans la baignoire. Parfait. 6h-9h, on est chaud. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Hola. Hola, na. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that

Ouais. Omar Sy, un des acteurs préférés des Français, l'acteur préféré des Français même. Eh oui, c'est lui. Il est là, Omar. Il est super, Omar. Bonjour, ça va ? Ça va, Omar. On est très, très content de te retrouver. T'es malade, faut pas. Non, mais non, je suis pas malade. Mais non, ça va bien. Ça me fait tellement plaisir que regarde comme je suis heureux de te retrouver, Omar Sy. On va voir si les familles françaises sont aussi heureuses de se faire réveiller par Omar. Eh oui, c'est la grande rencontre. Oui, c'est le réveil de star. Le réveil de star. Une star, une star. Un appel. On écoute. Et oui, une star, Omar, ce matin, qui appelle Gilles et la famille. Ah non, Yves et la famille. C'est Yves. Et c'est Omar. Yves, Omar, la rencontre. Allô ? Bonjour, ça va ? Ça va ? J'ai un truc à te montrer. Oui. Tu vois ce mec-là ? Il se fait appeler Van Gogh. Oui, alors ? Votre femme était une fidèle cliente de Van Gogh. Ma femme est un client de Van Gogh. Oui. Van Gogh, c'est un gitan qui organise des parties de jeux clandestins. Non mais qui c'est que vous êtes là ? Moi, la police ! Non mais, vous foutez du monde ou bien quoi ? Eh hey, mais t'es malade, faut pas parler comme ça, t'as jamais pensé à consulter ou quoi ? Eh ben je crois que c'est vous, hein ? C'est-à-dire ? Oh, tu me... Allô ? Ça va, calme-toi, y'a aucun risque là. Bah oui, mais je sais pas qui vous êtes moi ! On a vérifié les comptes de ta copine. Elle était interdite bancaire. Ma femme, elle a des dettes d'argent. 100 000 euros en cash. Il vient doubler. Non, mais vous êtes... Ça va aller, votre bazar, là, oui. Elle jouait tous les jours. Il y a des témoins, ils l'ont vu. Il y a des témoins qui l'ont vu ? Oui. Ah bon ? C'est chaud pour ta gueule. Très chaud. Ouais, mais... quand t'es pas de conneries comme ça, hein. Il n'a pas essayé de nous faire chier, là. Non, je déconne. Oui, toujours blagueur. Toujours blagueur, c'est toujours Omar, le petit mot pour rire, oui. Le petit mot pour rire. L'autre y a cru quand même. Ma femme a des dettes d'argent. Bah, non, c'est vous qui n'êtes pas normal. Hein. On remercie Yves, sa femme aussi, qui a pris le téléphone. Ah ouais, là, elle a attrapé ça direct. Ouais, et dès que ça parlait de dettes d'argent, Yves, il est revenu à la Bah, il y a mon téléphone. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. You tell me I be work. You see me do me da. That's all me about that work. When you walk a line. I'm in the cafe, my ta. Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a like, man, you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touch me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my passions. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. You tell me I be work. You see me do me da. Tell me about that work. Na. When you walk out, na. Before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I would never neglect you. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why. It's me, I feel why. You see me do my da. So me by that why. When you walk out, la. When I care for my ta. Yeah, okay. To get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's a me up there, work, work, work, work, work, work. You see me do my da, da, da, da, da, da. So me better, work, work, work, work, work. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When I care for my dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. Heures sur Skyrock, Morning Best. Best Morning Show. Les meilleurs moments du Morning Daddy Fool. Pour le premier stade en France de Rihanna. Il est 8h57, il y a Fred qui arrive dans quelques secondes, le 9-12, il y aura Mike Posner, Le Fa et Cardinal Official avec Econ Nation Pool. Mais tout de suite, on a Anne en direct avec nous, 36 ans. Salut Vincent. Bonjour Anne. Ça va? Bienvenue sur Skyrock. Oui, que vient-il? Merci. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre à l'instant sur Skyrock, Anne? Rihanna par deux fois, exactement. Bip bip, bravo à toi. T'as super. Été la plus rapide au 7-20-20. Voilà, faut envoyer Rihanna au 7-20-20. Et c'est toi qui repasse. T'as vu combien de places tu gagnes, Anne? Ben, je sais pas, à peu près 1, 2, 3, combien? 5. T'en as 5. Oh, putain, c'est top, super, merci.

Au lieu de ça, t'as fait tes valises, ouais. En oubliant ton bracelet Tiffany, ouais. Oublie nos disputes, c'est rien ça. J'avais un cœur de pierre, t'en as fait des grains de sable. Et t'attendais que je passe la porte pour fondre en larmes. Tu sais que je m'en suis voulu au plus profond de mon âme. Mais t'as supporté mes défauts. Mes défauts. Pour moi, t'as fait tellement d'efforts. Y'en a pas deux comme elle. Tu ne peux pas l'oublier. Il te faut deux ailes. Si tu veux t'envoler, décroche ton téléphone. Ne laisse pas tous vos efforts s'en aller. Non, tu ne peux pas l'oublier. Rappelle-la. Téléphone, ne laisse pas tous vos efforts s'en aller. Rappelle-la, décroche ton téléphone. Ne laisse pas tous vos efforts s'en aller. Y'en a pas deux comme elle. Tu ne peux pas l'oublier. Il te faut deux ailes. Si tu veux t'envoler, décroche ton téléphone. Ne laisse pas tous vos efforts. Tu ne peux pas l'oublier, rappelle-la. Rap and R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Like Serena, feel like Venus. Everyone I know was trying to give it up. Bad like she bad with money or Oprah. She wine to the reggae, bubble to soca. Cool like Taraji, sweet like Nicole. Sure singer like Siren, she coming from the cold. Tall like Carrie and sing like Estelle. Legs like A. Marie and she don't tell when she kiss. Her down ass chick like little Kim. She ready for the camera, Kim Kardashian. Curves like Melissa, tough like Michelle. All day the queen like Mary J. Good like Keisha, young like Riri. Saying, you see me, remix Cardinal, Conjon Paul. Take a thing, it's straight to the wall. Dig it out, turn it out, now everybody shout one, two. Girl, I can't notice but you noticing me. From across the room I can see it, and can't stop myself from looking and noticing you. Noticing me. Watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous. That girl is so dangerous. That girl is a bad girl. I've seen a type before, she's so hot girls, them deep on the street. Y'all a mash a man brain and a mash a man mind. Them a girls make me feel complete. So I park up, step to the club, all a drink in a corner, I stand up and I preach. This woman does the eyes of the dirty and I go on like she want run, come give me it. I feel that them stuff up and now my want it. Her man does stand up and I garden on it. She's dangerous, so don't take for granted. Her appetite for sex, she want me plant it. Blatantly, she want to flaunt it. Showing me how much she want me on it. Want me carnage, she want me storm it. With the lethal weapon and she want it. It. My wink and my reach for palm it. She wink back cause she want me bomb it. Excitement, she want me calm it. Girl, I can notice you. Notice you. Noticing me.

ladies and gentlemen, Rihanna. Hello. Hi, this is Rihanna, and I'm on Skyrock. Comme toi, Rihanna a aussi choisi Skyrock pour ses prochains concerts en France. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Pour le premier stade en France de Rihanna. Rihanna et ce morceau, moi je me lasse pas de ce morceau, ce Diamonds in the Sky, il y a un instant et par deux fois on a pu écouter Rihanna, je vous l'ai dit et redit. Avant midi peut-être qu'il y aura encore deux titres de Rihanna enchaînés, en tout cas Bordeaux, on va aller faire un tour du côté de Bordeaux, rejoindre Laura. Salut Laura. Salut. Tu as été rapide Laura, si c'est toi, c'est vrai. Laura de Bordeaux, tu as entendu les deux morceaux de Rihanna à l'instant sur Skyrock? Ouais, j'ai entendu. Et quand on entend deux morceaux de Rihanna tout au long de la journée sur Skyrock, Rihanna chez Skyrock. Au 72020, voilà. C'est un nouveau numéro pour nous joindre, 72020, un petit message. Et tout comme Laura, vous repartez avec non pas une, ni deux, ni trois, mais quatre, cinq places pour aller voir Rihanna, Laura. Combien? Cinq places pour toi. Cinq. C'est pas vrai. T'as pas assez d'amis? Sinon je les garde. Ah hein. Mais non mais si, on est largement assez, mais je m'attendais pas autant. Eh ben voilà, 5 places, tu es refaite Laura, tu vas aller voir la première date, c'est vendredi du côté de Nice, Rihanna qui vient avec Skyrock, c'est pour pas toi. Vrai, merci, vous êtes géniaux. Je te fais des bisous Laura, ça va, tout va bien, tu merci. Pas bah trop... écoute, en ce lundi matin, ça peut pas aller mieux. Pas trop la non, ça va mieux en gagnant des places, mais pas trop la gueule de bois après la défaite de la France hier soir, non, ça va? Ah, ça va. Ça va, OK, Laura.